Il y a beaucoup d'étrangers en France, il me semble. Bien sûr, comme partout en Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonnée de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici ? Ça dépend, tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent ici. En 2011, il y avait plus de 3 millions d'étrangers sur le sol français, alors aujourd'hui, il y en a sûrement encore plus. C'est énorme ! Après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres ? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, des étudiants comme toi. Mais comment tu sais tout ça ? Grâce à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site internet. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le nombre de Japonais qui vivent en France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration ? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu ?